Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Wow, Stéphanie Gagné qui est là dès le début de l'émission. Ouais, du jamais vu, hein? C'est rarement vu, en tout cas. En tout cas, depuis Noël, hein? C'était comme le Loch Ness, j'étais plus sûr d'y croire. Ouais, ben, mon aura depuis les fêtes, hein, c'est un peu compliqué. Ah, que veux-tu, que veux-tu? Aujourd'hui, tu tombes bien, hein, parce qu'on a 6 nouvelles entrées. Oui, j'ai vu ça, puis je suis vraiment contente, parce que les 4 nouvelles entrées du côté anglophone, il n'y en a aucune que j'ai déjà entendue. Oh, ben, justement. Je connais aucun groupe là-dedans. On va entendre Wing and Hollow, Lauren Best, Braids et The Rescue du côté anglophone. Et du côté francophone, drette d'ici, de chez nous, de ces fous. Quoi? Bio Bazar. Dread d'ici de chez nous. Oui, bon. Bio Bazar et Paul Carniello aussi, comme nouvelle entrée. Et aussi, d'ici la fin de l'émission, on va avoir la chronique des choses artistiques, culturelles, les nouvelles. T'as de la misère, hein, avec la description de mon émission. Les noms de chroniques, ça va, mais les descriptions de ces chroniques-là, je suis tout mêlé. Nouvelles artistiques, culturelles et artistiques, c'est ça que tu disais. C'est à peu près ça, c'est n'importe quoi. Donc, c'est Guess What? Guess what? Et ça a lieu d'ici la fin de l'émission. Même chose pour le bloc Un instant classique où on présente les meilleurs moments cocasses d'assemblage requis. Tout à fait. Ok, oui, mais commençons avec nos positions numéro 20. Du côté anglophone, on va entendre The Rescue avec Televised de leur maxi The Rescue. Et côté francophone, c'est La vérité n'existe plus de Paul Carniello tiré de l'album La course des loups. Notre palmarès, c'est fou au 89.1 FM. La vérité n'existe plus. Le roi et la reine, l'humidité et la haine, des arcs-en-ciel sans couleur, aux gloires de l'empereur. Le cavalier et le fou, la peur et le doute, des milliers de rêveurs tombés au champ dans l'un. La vérité. Le sang est dans tes yeux, le pouvoir n'est plus dans tes mains. Les temps pour être mieux, tu marches nouveau terrain. Il n'y a pas de vérité, toujours à chercher, avec rien à trouver. We can document all. lived a life of preparation. We're gonna take it to the streets, give you what you got coming. I'm so excited I can barely breathe. Time to share your hand-me-downs. It's the language of the earth. Projet Biohazard et la pièce Moon Queen du nouvel album Wells Vagina, nouvelle entrée en 19e position francophone. Tout à l'heure, on va entendre le 19 anglophone. On interrompt ici pour vous dire qu'on va sauter des choses. Oui, malheureusement. C'est plate. Triste. Casser une bonne pièce comme celle-là pour vous donner des informations négatives, ça n'a pas de sens. On va sauter par-dessus les positions 18 à 15 francophones. Il va y avoir, il n'y aura pas plutôt, 354 Barry avec À l'asile en 17e. En 18e. En 17e, c'est les frères Goyette avec Mercury et Pierre Mercure. En 16e, Panache avec Bouvier Bernois. Et en 15e, c'est Martin Léon avec Prends-moi tel quel. Mais on va entendre tout ça du côté anglophone, donc la position 18 à 15. Mais on va commencer avec la position 19, Braids avec Plath Heart de l'album Native Speaker. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou au 89 FM. Retour, Wolfing Cub, Black Mountain et Hôtel Morphée dans les palmarès, c'est fou, au 89 FM. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Come on, man. Numéro 17. Long ago and far away, this is how I learned to win the war. The last thing I remember was the coming of the storm. I was warned. This is how I learned to win the war. And frozen hearts, far as my eyes can see, shine so bright in the morning light, but the burden's so heavy they break in the night. Was the coming of the storm. I was warned. La formation Wing and Hollow avec Frozen Trees en position numéro 17 anglophone. C'est sur l'album Frozen Trees, c'est une nouvelle entrée. Et c'était la fin des nouvelles entrées. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Du côté franco, on avait sauté par-dessus, je vous le rappelle, les frères Goyette avec Mercury. Avant ça, on a entendu Lauren Best avec Sex and Self-Destruction, qui était nouveau. Et on a sauté par-dessus 354 Barry avec À l'asile. Voilà pour ce bloc-là. On est rendu aux 16e position du côté anglo. C'est une pièce qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Wolf and Cull avec Seven Sevens. Et on passe par-dessus le franco, c'est Panache avec Bouvier-Bernois. On en saute des affaires en franco, hein? Il faut, sinon on n'a pas le temps de tout faire jouer. C'est la règle, 4 pièces sautées par émission. Et c'est de même. Il faut ce qu'il faut. On a 3 heures. Et c'est sinon, toujours mieux que de... il faudrait 3 heures et 20. Et 20, parce que 4 heures, on a appris l'année passée que c'est beaucoup trop long pour les palmarès. Beaucoup trop long. Comme je disais, voici la position numéro 16 anglophone, c'est Wolf and Cobb et Seven Sevens au palmarès, c'est fou, au 89.1. Getting close to letting you go. Save the savers, hard to

Black Mountain et Buried by the Blues, position numéro 15, ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée en anglophone. Et avant, c'était Wolf and Cub avec Seven Sevens à la 16e position. Ça monte de 4. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ben oui, des pièces qui ont monté mais un tout petit peu pour laisser de la place pour de nouvelles entrées, si on veut. Hein? Alors, on est rendu position numéro 14 du côté anglophone. C'est Final Flash avec Go Outside qui monte de 2 et elle aussi, c'était une nouvelle entrée. Et on recommence à écouter un petit peu de Franco. On va entendre Hôtel Morphée avec Novembre est mort à la 14e position. Ça monte de une place. Vous écoutez les Palmarès Cifou, un condensé de la meilleure musique que Cifou à vous offrir au 89 FM. Hein? Slogan, toujours les slogans. Des phrases là, catchy à mort. Là. C'était très catchy. Ouais. numéro 14. Go Outside, position numéro 14. Ça monte de deux places. C'était nouveau la semaine passée du côté anglophone. Et avant, c'était Hôtel Morphée avec Novembre et Mort qui monte de une position. Et c'est de l'album du même titre, Novembre et Mort. Oh oui, c'est vrai. Tout à fait. Comme TVA. C'est vrai. J'écoute pas ça. Non, ben tant mieux. C'est une bonne chose. J'écoute plus la télévision, moi. Du tout? Non, du tout. Ah, c'est vrai, t'es rendu sur les clips vidéo sur Internet. Oui, exactement. Donc, je ne vois plus de publicité ou à peine. Ben, tu dois aimer ça. Moi, j'adore ça. Moi aussi, je fais ça. Oui. Pratique. À vrai dire, j'ai encore des postes sur ma télévision, mais ouais. J'écoute pas. OK. Non, moi, j'aime bien avoir la télé en fond et qui joue des affaires, mais tu sais, je suis pas tout le temps concentré dessus. Là. C'est comme un bruit de fond, j'aime ça. Moi, j'aime ça, mettons, avec le hockey. Sauf que j'ai pas RDS, j'ai juste les postes de base. Fait que je peux pas écouter le hockey en fond. Ouais. Bon. Alors, on est rendu aux 13e position des palmarès. Je vous rappelle que plus tard, on va avoir la chronique d'actualité culturelle et artistique. Wow! Ah, quand même, je l'ai eu du premier coup. Guess what, avec Stéphanie tout à l'heure, vers les 3h et quelques, 15h quelques. Disons dans 10 minutes pour tout le monde, ça va englober tout le monde. Ouais, 15 ans. Mettons après le premier bloc, après... La deuxième heure, au début ouais, de la deuxième c'est ça. Bon, Et on a eu le nom de la chronique, mais le timing, par contre, ça, c'est pas du tout bon. Du côté d'Anglo, la position numéro 13, c'est Imaginary Cities avec Say You qui monte d'une place. Et côté franco, Cri du chat avec L'Auberge sanglante qui monte d'une position. Vous êtes au parleur assez fou au 89 FM. C'est fou. Ça, ça marche pas partout. Du tout. Frio. C'est frio. C'est Friskus. C'est Friskus. Est-ce qu'il achète de la pub ici? Maintenant, oui. Donc, ils n'ont pas le choix. Stéphanie et moi, on trouve que ça manque de solo de chat, miaule. Le cri du chat avec la pièce L'Auberge sanglante monte d'une place en 13e position francophone. On va arrêter ici. On va, je dirais pas me nettoyer les oreilles. Je veux dire, aller en message publicitaire. Oui, Imaginary Cities, on va attendre après la pub. Oui! Et puis après ça, ben c'est ça, deuxième heure. Quand même, deuxième heure de ça. Pas de ça. Mais de ça. De ça! Genre les palmarès, c'est fou comme ce qu'ils jouent là. On vient, restez là. Pourquoi c'est bon d'avoir des trous dans une bouteille de breuvage? Parce que des trous pour mettre les doigts, je suis pas sûr de suivre. Parce que ça glisse moins pour des gens qui sont gaffeux comme moi. OK. Comme ça, il y a des trous, fait que ça glisse moins. Puis en plus, dans les trous, il y a des petits crics. C'est incroyable. On est rendu en 2011. Hein? Pas de cure pour le cancer, mais on met des trous pour les doigts dans les bouteilles. Oui, regarde, elle glisse pas. Ça aurait tellement été mon genre qu'elle glisse pareil puis qu'elle brise. Ah, le son aurait été parfait à la radio. Fais-le. Non, OK. Bon retour, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Gagné, la gaffeuse. Oui, c'est bien dit. Avant de se quitter, on avait entendu la position numéro 13 francophone, donc on est rendu à la 13e anglophone. C'est Imaginary Cities avec See You. Et suivons les 12e positions du côté anglo. Ça va être Random Recipe avec Lack of Sleep. Et côté franco, Golden Collider avec Sound Central. Du côté franco, oui. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est la réalité quand même. Hein? C'est vrai. C'est les palmarès assez fous au 89.5. I went out into the darkness. Darkness turned to light. And when I found my freedom, he said that freedom wasn't mine. I crossed the mighty ocean to watch you from afar. I climbed the highest mountain to see just where you are. Say you, say you, say you. Why? Say you, say you, say you. We fall upon our knees. Running out of gas, try melody to beatbox myself a lullaby. With your little smile, I wonder what you are. Up above the water, like the diamond in the sky. Lack of sleep. Lack of Sleep, The Random Recipe, c'était à la 12e position, ça reste stable et c'est la 5e semaine au palmarès. Du côté franco, c'était Golden Collider avec Sound Central qui monte d'une place. On le répète à chaque fois que non, c'est pas une erreur, c'est pas nous qui nous trompons, c'est bien du côté francophone. Eh oui, et malgré le nom et le titre de chanson, tout anglophone. C'est bafouant. Ben, c'est comme Pascal Picard, anglophone. Hein? Pascal Picard, c'est de l'anglophone, mais ah, son oui, nom oui, est franco. Oui. Ah, ben oui, tout à fait. Caroline, tu l'as à faire. Tu l'as à faire pour parler de nouvelles aussi, genre les actualités artistiques et culturelles. On pourrait dire et ou culturelles, mais c'est souvent pas mal la même chose, hein, artistique et tout ça. C'est Guess What? Guess What? Guess What? Guess What? Guess What? Qu'on se connaît? Guess What? Guess What? Wow! Stéphanie Gagné, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? What's up? What the fuck? Je m'attendais pas à ça. Il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine, entre autres les nominations aux Junos que je vais parler tout à l'heure. Mais je vais commencer par une très bonne nouvelle que probablement que tout le monde est au courant, mais c'est arrivé jeudi pendant l'émission qu'on a eu cette nouvelle-là. Alors, il se passe des choses autres que de la bonne musique. Alors, il était comme trop tard pour que j'en parle la semaine passée. Puis là, ça fait quand même une semaine. Fait que là, tout le monde en a entendu parler. Mais bon, DJ Champion, oui, qui est guéri. Oui, qui super. Avait une sorte de cancer du sang. En tout cas, une sorte de cancer, bref. Et finalement, il est guéri. Il a dit merci aux fans et aux médias qui m'ont ouais, il a dit qu'il ne donnerait pas d'entrevue. Non, il ne va pas donner... pour l'instant, il ne donne pas l'entrevue. Je suis bien, je suis en santé. Et c'est pas mal ça, les nouvelles. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. On se voit bientôt, Max. C'est son message. Et c'est son vrai nom. Oui, c'est son vrai nom. Sinon, c'est pas DJ. Non, c'est pas DJ. Je me suis remis à écouter Full House, La Fête à la Maison, hier. C'est une émission, là, des ouais. années 80-90. Ouais, ouais. Et puis, le personnage de DJ en français s'appelait DJ. Je trouvais ça drôle, ça. Quand j'ai écouté la version en français, j'étais comme, hein? Quoi? DJ hein? S'appelle DJ? What? Hein? OK, c'est ça. Ah, c'est ça. Nouvelle un petit peu moins plaisante. Le directeur français Vincent Moon, je sais pas si tu connais la blogothèque. Oui, les concerts bien, là, pour take away shows. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui a inventé ça. Donc, il a donné des rumeurs là, tellement mauvaises sur Arcade Fire. Il dit que c'est pas des bonnes personnes et que la gestion de... C'est pas tout le monde dans le groupe qui est mauvais, mais les leaders du groupe. Ah. Donc, on sait déjà c'est qui. Il est précis pas mal dans sa subtilité. Assez. Mais c'est assez subtil. On sait pas pourquoi il les aime pas. Il est vraiment pas spécifique sur les raisons pourquoi il aime pas le groupe et que c'est pas des bonnes personnes. Il dit « J'aime pas les personnes du groupe. J'aime pas la façon qu'ils font de la gestion. J'aille ça que le monde dise que c'est un groupe indie. C'est pas un groupe indie. Ils ont une façon de penser très commerciale, très mainstream pour faire de l'argent. » Nanana. Donc, OK. Et son assez... but pour dire ça, c'était qu'ils voulaient gâcher leur carrière. Aucune idée. Okay. Aucune idée. Mais bon, il est très vague. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Méchant et neuf. C'est un peu spécial étant donné qu'Arcade Fire est un chouchou depuis plusieurs années. De la scène underground. Oui. Et non pas des radios commerciales. Non, pas des radios commerciales. Mais donc, même si leurs intentions sont commerciales, ça veut pas dire que ça va jouer dans les radios commerciales. Tu peux avoir des intentions commerciales et... Exact. Bon. Il y en a bien des groupes qui ont des intentions commerciales puis qui jouent pas en radio. On les joue pas assez fous non plus, mais ben, hein? Non, en effet. Ensuite, Mister Valère ont mis en ligne une vidéo qui est avec la pièce Gumshoe. Qu'on entend Benny Barbecue dans cette pièce-là. Et en fait, c'est des images qui ont été prises le 20 octobre dernier durant un spectacle au Metropolis, donc le gros concert qu'il y a eu avec tous les artistes invités qui étaient là au spectacle. Eh bien, ils ont demandé aux fans de prendre des vidéos, dans le fond, d'enregistrer des parties du spectacle et de l'envoyer au groupe. Et ensuite de ça, ils ont fait un clip pour ça. Un montage, finalement. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un montage de plusieurs vidéos faites par les fans. Excellent. Et voilà le résultat. Et voilà, moi je préfère Benny assaisonné en passant. Petite trempette à l'oignon. J'avoue que c'est meilleur assaisonné que barbecue. Est-ce que tu as goûté la petite trempette au oignon? Non. C'est bon. Ensuite de ça, nouvelle pas très plaisante, mais en fait, moi, j'étais pas une très grande fan, mais quand même, les White Stripes ne sont plus. Non, c'est triste, hein? Ça s'est sorti cette semaine, donc ils sont pas partis en mauvais termes. Puis dans l'explication, ils disent plutôt que c'est pour le respecter l'art de la musique, blablabla. Bla, bla. Et de toute façon, on sait que Jack White, avec plusieurs autres projets, avec The Dead Weather, il a aussi sa propre maison de disques. Donc, on voyait que The White Stripes était pas mal mis de côté de toute façon. C'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de bonnes pièces, de bons albums. Mais l'année passée, ils ont sorti un DVD aussi très bon. Et voilà, donc le groupe n'est plus. C'est Feu White Stripes. Feu White Stripes. C'est triste, mais au moins, on va arrêter de se poser des questions, on va savoir si ça va revenir. Ouais, exactement. Exactement. Et ensuite de ça, il y a The Verge Music Awards présenté par XM Radio. Et dans ces. Dans ce concours-là, dans le fond, il y a 25 000 $ qui peut être gagné pour deux catégories. C'est pour le meilleur groupe et le meilleur album. Et pour meilleur artiste, il y a Arcade Fire, Stars, Tegan and Sarah, Zeus et Michou. Michou que je connais pas. Michou, ah, intriguant ça. Ça me dit absolument rien, mais c'est ceux qui sont en nomination. Et pour album de l'année, il y a Michou. Stars, Tegan and Sarah, Zeus et Zolas, que je connais pas non plus. Ah, donc deux groupes à ajouter à notre liste parce que les autres sont tous très, très, très, très bons. Donc, c'est du calibre de Tegan and Sarah et les autres. Ben, à un moment donné, peut-être que ça devrait être sur notre. Peut-être, hein? Notre, comment dire, nos ondes, mettons, que je trouve un autre mot. Oui. Et il y a aussi une autre catégorie, mais cette catégorie-là, c'est pour 5000 $. C'est pour nouvel artiste dans le fond de l'année. Il y a Elias, Anna Georges, je connais pas non plus. Non plus. Jim Alanowski, P.S. I Love You et The Rural Alberta Advantage. Vintage. Ouais, donc oui. Groupe que j'aime beaucoup. Alors ça se passe le 1er mars. Et si vous voulez y aller, bon, c'est quand même à Toronto, là, mais c'est 20 $ si vous payez à l'avance. Et voilà, donc je suis rendue aux nominations aux Junos, il y en a vraiment beaucoup. Donc comme d'habitude, je vais juste nommer ceux qui sont un peu importants. Dans l'album de l'année, c'est pas mal, assez commercial, mais Arcade Fire ressort avec The Suburbs. Dans groupe de l'année, Arcade Fire, Broken Social Scene et les autres groupes moins intéressants. On les mentionne même pas, c'est pas important. Non, mais c'est comme dans Album of the Year, il y a Justin Bieber, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si dans les radios, tu sais, mainstream, grand public, etc., etc., si eux passent par-dessus complètement Broken Social Scene parce que ça fait ce que c'est. Ils doivent dire Justin Bieber, tu sais. Non? Juste mais les gros. Est-ce que Justin Bieber joue aux radios commerciales? Ben, je sais pas. En tout cas, si je joue pas aux radios commerciales, je me demande comment ça se fait qu'il pogne autant dans les petits magazines de petites filles, là. Hein? Tout le monde parle de Justin Bieber. Parce que je serais même pas capable de reconnaître une de ses chansons. Ouais, bon. Il y en a juste une que je connais. Et tu sais, tout le reste, c'est quand on parle des autres artistes plus mainstream, tu sais, ouais. Lady Gaga, on est capable de reconnaître ses chansons, mais Justin Bieber, ça me dit absolument rien, là. Ouais. Ben on n'est pas des filles de 11 ans. En tout cas, moi. Non, mais par contre, j'étais au cinéma et j'ai été obligée d'endurer... La bande-annonce. La bande-annonce de son film 3D. Jamais dire jamais. Ah, c'est cute. L'histoire, le document... Say never! Ah, tu connais une deuxième pièce. Ah, c'est une pièce, ça? Ben, j'imagine, je sais pas. Non? Je sais pas. Ben, j'imagine, j'ose espérer que c'est lui qui fait la trame sonore de son propre film, le documentaire de sa vie. Sa vie qui est donc longue et remplie de péripéties. Ben hein? Oui, c'est sûr, à cet âge-là, t'as tout vécu. C'est beau. C'est t'en as vu des choses ben, à 16 d'aller. Ans. Ben oui. Mais il sort avec Selena Gomez, donc je peux pas y en vouloir. Pour vrai? Hein? Je savais pas. Ouais. C'est qui Selena Gomez? La fille de... En tout cas, on s'en Ah, c'est d'être ça. New Artist of the Year, il y a Bazaia Bullitt, Bobby Bazzini, Caribou, Anna Georges encore, que je connais pas, et Megan Smith, que je connais pas non plus. Dans Nouveau Groupe de l'année, c'est très drôle parce que dans c'est pas vraiment des nouveaux groupes, mais bon, c'est des nouveaux groupes pour les Junos. Il y a Diamond Quinn, Colorado et Mister Valère là-dedans. Ah, Mister Valère que Mister ça Valère fait combien de temps que ça existe? Ben, ça fait quand même un petit bout de temps, là, parce qu'ils ont eu un premier album qu'en passant, on peut pas trouver nulle part. Non. J'ai tout fait pour essayer de le trouver, ça a pas marché. Ils ont eu leur deuxième album, Friday Night, qui est sorti il y a quoi, 4 ans, je pense. Et celui qu'on connaît tous, Golden Bombay, qui est sorti l'année passée. Bon, donc, ils ont minimum 7 ans. Ouais. 2004, mais minimum 7 ans. Okay. Admettons. Eh ben! Quand même, nouveau groupe, hein? Ben oui. Album alternatif, il y a Arcade Fire, Broken Social Scene, Carquois, Owen Pallet et Tokyo Police Cop, donc probablement ma catégorie préférée, oui. Parce que c'est la catégorie qui a le plus d'allure. album francophone de l'année, donc super intéressant pour nous autres, Bernard Adamus, Daniel Bélanger, Fred Pellerin, Carquois et Radio. Je suis toute énervée. Dans la catégorie dance, il y a Chromeo, Dragonette. Dans le vidéoclip, il y a Ariel avec Chargé, Metric avec Collect Call et Broken Social Scene avec Forced to Love. Ariel avec Chargé. Ouais, ça, on en parlait tantôt, hein, c'est un peu spécial. Je trouve pas que c'est un vidéoclip très, très cool. Si vous l'avez vu, c'est celui avec les fourmis qui se promènent un peu partout. Les fourmis qui ont l'air particulièrement pas super réalistes. Je suis contente qu'il y ait une nomination, mais j'aurais peut-être mis, tu sais, dans l'album francophone de l'année. Voilà. Parce que c'est un excellent album. Là. Très bon album. Mais pour le vidéoclip, peut-être pas. Moi, il est correct. Là. C'est un vidéoclip potable et adéquat. Là. Disons que j'aime mieux le vidéoclip de Guess What de Radio Radio, qui est très drôle. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon, donc, fini pour les nominations aux Junos. Il me reste quelques petites nouvelles très, très courtes. Do you know what I'm saying? Faut que tu rajoutes ça à la fin. Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Ouais, ça. No. Foo Fighters vont sortir un nouvel album le 12 avril. On ne sait pas encore c'est quoi le titre, mais bon, ça sort bientôt. The Kills, nouvel album Blood Pressures le 5 avril. Et il y a une nouvelle pièce qui est sortie, Satellite. Et j'ai gardé la plus drôle nouvelle pour la fin. C'est The Lonely Island qui ont sorti une nouvelle pièce. Oui. Je t'ai montré le clip tout à l'heure. C'est dans la lignée des Lonely Island. Là, c'est dans le même genre. Vous hein? connaissez sûrement I'm on a boat ou I just had sex. Oui, oui. Dick oui. in a box. Jizz in my pants. Oui! Yeah. J'avais oublié ça là. Ça, c'est un classique. Et c'est ça. Là, c'est Do the Creep. Donc, c'est des gars en complet beige avec des grosses lunettes énormes des années. Je sais même 80, pas. 80, je pense. 80, probablement. Et les cheveux tous lichés et qui font une sorte de danse un peu creep, ça un fait peu peur zombie. Aux gens. Là. Mmh. Ouais, qui fait peur aux gens, mais c'est tellement drôle. Groupe humoristique avec de la musique intentionnellement sur-commerciale, avec tout le temps un featuring soit d'un rappeur ou d'une fille qui chante de la pop, là, vraiment. Là. C'est voulu, là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est pour rire justement du mainstream. Mais le pire, c'est que tu changes un petit peu les paroles, puis ça marche. C'est un hit. Ça, au Québec, ça pourrait être facilement des hits. Personne ne comprend les paroles, donc ça n'a pas l'air d'une blague. Puis tu regardes la qualité du clip aussi, là. Ah, mais la production, le budget derrière ça, c'est le cas de Saturday Night Live, là, une grosse émission aux États-Unis. Là, c'est gros. Là. C'est ça, le budget est assez énorme parce que les clips sont super bien faits. Là. Ouais. OK, c'est pas. Ça réinvente pas la roue du tout, là, mais c'est super bien fait. Ça rit de la roue, en tout cas. Ouais, exactement. Pas la roue l'artiste. Là. non, j'aime beaucoup leur style et je sais pas. J'aime leur intention. Je comprends, je trouve ça cool, premièrement, qu'ils puissent avoir des featuring de vrais rappeurs dans leur chanson. Tu sais, il y avait Jay-Z, parce qu'il rit. C'est ça. Il rit de ça, mais le il gars vient pareil. C'est t'sais, ça. Ils font du. Ils rient de l'autotune, et puis le gars, c'est un artiste qui fait de l'autotune tout le temps. Ouais, t'sais. C'est ça. C'est le fun. Bon. Bref, The Lonely Island. Ouais. Bravo. Mais on vous fera pas écouter ça parce que c'est un petit peu trop commercial pour nous. Au Québec, ça aurait juste l'air commercial. Ça aurait pas l'air d'être une blague. Ouais, c'est ça. Alors, on va plutôt écouter Colorado qui est en nomination aux Junos. On va aller écouter l'excellente pièce Juliette. Juliette, do you know what I'm saying? De ton palmarès, c'est fou dans le blog Guess What de Stéphanie Gagné. Love has come and gone. I ask if it makes a sense. night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies. That day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is a drink I drink to the end. Avec la pièce Juliette, groupe qui sont en nomination aux Junos. Dans le bloc Guess What de Stéphanie Gagné. Et c'est fini. C'est terminé. Ben oui, on revient après un petit message publicitaire et on va entendre les positions numéro 11 et 10. Restez là donc pour Chantal Archambault, Weezer, Gaslight Anthem et Jérôme Dupuis-Cloutier dans les palmarès. C'est fou. 89. Bon, retour sur les palmarès, c'est fou, 89.fm, une compilation de la meilleure musique que c'est pour vous offrir, on pourrait dire. Bon, ben, c'est ça. C'est à peu près ça, finalement, on pourrait le dire, parce que c'est ça. On n'invente rien. C'est la définition même. C'est sur Regard National, les palmarès, c'est fou. Ben, tu ne trouveras sûrement pas, mais bon. C'est le meilleur de la musique. C'est ça. Alors, on est rendu pour ça numéro 11 du côté anglophone. Ça va être Weezer avec Hang On qui descend de la quatrième place. Et côté franco, Chantal Archambault est stable avec la pièce Panache de l'album La Romance des Couteaux. Sur C'est fou. 89.fm. Ça non plus, c'est pas dans le National, mais bon, un jour peut-être. Ils mettent n'importe quoi dans le dictionnaire à cette heure, c'est pas grave. C'est fou, 80. Un de plus, un de moins. Tu sais. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendrais le nord, avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Et si je ne pourrais déposer mes yeux dans tes yeux si hautement perchés. Dès lors, jamais plus je ne marcherai autant seulement que pour te respirer. Alors reviens, moi, mon lit, j'ai un souffle sans toi. Ta fourrure à mon cou, ton souffle sur ma joue. T'es reparti et à tes bois, je suis restée accrochée. Et j'ai de nouveau déchiré ma seule robe, si pénible à rapiécer. Mais comme à chacun de tes départs, j'ai laissé allumer la lanterne pour éclairer le chemin qui te ramènera à ma véranda et mes baisers. Dès lors, jamais plus je ne t'attendrai autant seulement que pour te respirer. Alors reviens-moi, mes murs sont vides sans toi. Ton panache à mon cou, ton souffle sur ma joue. Enfin sur le point de t'oublier, mais depuis ton charmant retour, mon amour, mes ongles j'ai cassé, à tenter de te raccrocher solidement et joliment. Besoin de prendre le numéro 11. Petit cœur dérape. promène. Les pieds c'est là qu'ils se promènent. Johnny Malaise sur ton chemin casse la sienne. Cœur fragile. Numéro 10. My queen of the Bronx, blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the Romeos of town. If I bring you down and you're tired of those vows and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than a minute. The Gaslight Anthem avec la pièce Bring It On de l'album American Slang. C'est à la 10e position, ça baisse de une. Avant ça, du côté franco, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise qui descend de deux places et c'est à la 8e semaine. Et c'est sur l'album Gentleman Refroidi. Et malheureusement, on va devoir passer par-dessus deux autres pièces. Oui, on va faire un genre de varibari. On va jouer une pièce de bord et une de l'autre et on jouera pas les deux autres. Ça n'a rien à voir qu'un varibari du tout parce que dans un varibari, t'as tout. Hein? Oui. Bon. Du côté anglo, on va sauter par-dessus la 9e, Danko Jones avec Magic Snake. Et côté franco, on va passer par-dessus Adam ou Adam, je m'en rappelle plus comment on le dit. Adam. Adam avec Ligne secondaire qui est à la 8e position et qui baisse de 6. Alors, on va entendre P.S. I Love You à la 8e position avec la pièce Face Love. Mais on débute avec Jimmy Hunt en 9e franco, voici Everything Crash. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Dans vos oreilles, toi, dans tes oreilles, mets ça dans tes oreilles, fume-le. Tu sonnes comme François. Imitation de François-Olivier Marchand, et merci beaucoup. Théâtre. J'ai mis du gaz pour te faire dans l'iPod de Marianne. Elle m'a donné son Jack et Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crash. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everything crush. J'ai mis du gaz pour te faire un iPod de Marianne. Mais j'ai gardé son Jackie Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crush. C'est fou. 89.1. do it again. Et ça explose. Never Stop de Chuy Gonzalez dans les palmarès, c'est fou. Et ça, c'est la position numéro 7. Et j'adore cette pièce-là, mais tout le long, on dirait que c'est quelqu'un qui aurait comme oublié sa portière de voiture ouverte. Tic-tac, ça fait ça, en tout cas. En tout cas. Mais j'adore. C'est la fin de la deuxième heure. Oui, fin de la deuxième heure. La troisième s'en vient. Il va y avoir les meilleurs moments d'assemblage requis tout à l'heure. Et plus de bonne musique. Et qui seront nos numéro 1? C'est ce que nous serons tout à l'heure. Oh, suspense! Thriller! Addict TV. Le poste s'appelle la Dick TV, c'est comme Dick TV, c'est comme Télépénis. Ah, c'est fou la rodeuse. Bon, retour sur la troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2011. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est Mathieu Plante. Et les palmarès, c'est fou, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est rendu au 6e position. On va entendre tantôt du côté francophone les Vulgaires Machins avec une chanson acoustique qui descend de 3 places. Mais on commence avec la 6e position côté anglophone. C'est la pièce Laughing de la formation Hooded Fang qui reste stable. Et reste là parce que tantôt, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis. Il y en a 2. Non. Dans toute la semaine, il y a juste 2 bons moments. C'est tout. Ça résume. When I feel like dancing, I'll dance with you. Two flat quarters lead me close to you. And as the days stumble by, I look to you. And you're always there to say, times when it all seems so still, I'll be with you when the going gets going. Feet 6. Yeah. numéro 5. Avec la pièce Call It Up qui reste stable à la 5e position côté anglo. Et du côté franco, c'était Vanessa Parietta avec Le Reflet, l'ancien numéro 1 de la semaine passée. Mais Colin, mais qu'est-ce qu'il y a pour ce numéro 1 cette semaine? Je sais pas. Ça reste à voir. On n'a pas encore entendu le numéro 1 anglophone, donc peut-être que c'est encore le numéro 1, ça. Peut-être. C'est un silence vraiment comme inconfortable qui voulait tout dire, comme si c'était vraiment un suspense. Salut. On trip. Mais c'est le moment de mettre les palmarès sur pause. Tout à l'heure, on va entendre les positions numéro 4, c'est-à-dire Alexandre Desilets et Sufjan Stevens. Est-ce que c'est le moment que j'attendais depuis si longtemps? Non, désolé. Oui, c'est pas vrai! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 31 janvier 2011. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Ouais. Vous êtes ensemble à... Je requis. L'émission va se faire en pièces attachées. C'est bon d'inhaler du C'est fou un peu le matin. Ah, ça, c'était plus du mucus. Terroir, rumble, hier. Je m'en fous un peu. Ah, c'est quoi ça, donc? C'est la lutte. Super. Et Vincent Meillard, encore une fois, mais du côté de Québec à Lemeshatica. Wow! À quoi? Où ça? Les Méchatigans. La Méchatiga. C'est à Québec. Maudit fatigant. Ça ressemblait. Ça va être fort intéressant tout de suite après Assemblage Rock. Mon émission ou le Super Bowl? Non, ton émission. Non, nous, on est après le Super Bowl. C'est comme la grosse émission qui met tout le temps en arrière du Super Bowl. Ben, après. Vous vous êtes payé une coupe de pub cette année, hein? Ah ouais, ouais, parce ouais. Parce que t'es popoune, de la bière puis assemblage requis. C'est ça. Et puis le texte de merde comme dans nos pubs ici, assez fou, là. Mais c'est... Je veux voir la face défaut qui dit... Ben non, c'est juste un jeu de mots stupide. Dude love! Hey, dude love! Hein, ça va être écœurant. Regardez Super Bowl, vous allez voir ça, là, RDS. Premier jour du mois de février. Je l'attendais. Février, comme on l'appelle, février. F.O. Mathieu Plante. Oh, quand tu me parles comme ça, là. Ça peut pas aller mal. Fait que, voilà mon histoire, c'était le fun, hein? C'est pas ce pire. Avoir su, pour vrai, je t'aurais jamais demandé de raconter une histoire, mais bon. C'est plus ton problème que ouais, le ouais, mien. Ouais. Ah! Bon, ben, on est tous les deux soulagés. Ça va faire, je pense. En ce début de février! 1er février! Non? Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pensais pas que t'allais le chanter. Avoir su, j'aurais peut-être fait des bruits avec ma bouche. Ça va faire une heure de chroniqueur ou une chronique trait d'union heure. J'adore ça. Comment on appelle ça dans le domaine? L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Les matériaux de qualité, c'est après 8 heures, en passant. Juste, on dit ça de même. En passant. En passant. Je dis ça de même, moi, là. Mais tu fais bien. Tu fais bien les avertir, voyons là. Faut informer les gens, faut être vigilant, sinon ça pourrait se retourner contre nous. Ouais. Tu sais? Mon gros pas bon. Même l'enfer veut pas de toi. Ah, t'es donc ben pas fin avec moi, François. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin? Pas vrai, Mathieu. Plath Art. Une pièce que t'as pas le choix de postillonner en mentionnant le nom. Plath Art. Je crois que vous avez vu un gros minet. Vous êtes à l'assemblage. Miaou. François. Miaou. Oh, oh, oh, oh. Et Mathieu Plante, c'est ça? Oui, Mathieu Plante. Plantureux, Mathieu. Oui. Plantureux, Mathieu Plante, tout à fait, ça me va à merveille. Et bon, on va parler de politique. Oui, avec François Landry. Mais oui, le lien ici est tellement facile à faire entre ma planturosité. Tu veux-tu dire que c'est des gros totons en politique? Oh oui, là! Mathieu Plante, je te remercie. François-Olivier Marchand, je te remercie toi aussi. Je te remercie de tes services. À Charbaille. À la prochaine. On se retrouve lundi matin à partir de 7h avec une toute nouvelle édition lundi matin. L'émission revient lundi matin. Ah, déjà? Déjà. Peux-tu dormir, mon ami? Pas vraiment. Une longue journée pour les auditeurs. Pour les auditeurs, c'est long. Non? Non. Du Mathieu Plante à outrance, peut-être? Je crois pas. Ceux qui trouvent ça long, d'après moi, changent tout simplement de poste. Ben, on peut pas, justement, c'est ça le but d'une station de radio. Il faudrait aller coller toutes les roulettes de radio pour que ça change. D'ailleurs, faudrait commencer ici, là, à la place, c'est qu'on mange. À la cafétéria? Ouais. Oh, est-ce que ce serait une pin envers la cafétéria? Ouais, avec leur radio scrap qui joue. Eh ben, Simon, t'es rendu dans l'opinion, toi, aujourd'hui. C'est pareil que l'éditorialiste au Zone Campus. Hey Simon, hein, avec ses pins. Radio scrap. Il est allé fort, mais il a tellement raison en même temps. De toute façon, on peut chialer contre la cafétéria. Il nous joue pas pareil. Il nous entendra pas le dire. Exactement. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le fait que tu dis que le jeudi est une longue journée, mais comment est-ce que c'est une plus longue journée que les autres? Ben, parce qu'il y a plus de Mathieu Plante. 24 heures. Non, mais je parle d'écouter Mathieu Plante, là, entre 7h et 9h à Assemblage requis. Ensuite, entre 13h et 14h à C'était fou. Et ensuite, de 14h à 17h avec les palmarès C'est fou. Ça fait comme plein d'heures, là, moi, tu sais. Ouais, au moins, il y en a juste une que c'est toi tout seul. Les autres, on t'aide. Ah, vous êtes fin. vous m'appuyez dans mes démarches. Tout à fait. On t'encourage. C'était les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 31 janvier 2011. Assemblage requis qui est l'émission du matin en pièces détachées. C'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et l'autre. Les chroniqueurs et les gens qui... Il faut pas en plus, c'est là. Puis les gens qui font d'autres affaires dans les pubs, mettons, il y a des voix des fois. Et aussi Mathieu Plante. En dernier. OK. C'est mon estime de moi. On est rendu toujours au palmarès C'est fou. Évidemment, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On était rendu aux 4e position. Du côté anglophone, c'est Sufjan Stevens avec I Walked. C'est un moins 1 pour lui. Moins 1. Ça descend d'une place. J'essaie de varier mes formules. Moins 1 étoile. C'est ça. Et côté franco, c'est Alexandre Desilets avec le souffle court de l'album La Garde. Et ça monte 12 positions. Et ça débute à l'instant. Au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Ça faisait très goffy, comme des, ouais, des radios, là, tu sais, goffy. En tout cas, il dit juste une affaire, le gars, mais. Il est là pareil. Comme quelque chose d'un fier. Non, comme quelque chose en général. C'est en général. Goffy, le gars dit pas grand chose, elle finit tout le temps là, puis elle comme toi, finalement. Courant dans les rues du quartier, à la main, bout de pain volé. Stay with me. just an epithet. I am sorry, the worst is right. For I'm on the floor in the room where we made it our last touch of the night. I walked, cause you walked, but I won't probably get very far. Sensation to what she said, but I'm not about to expect something more. Retour, Nans and Nat, The New Pornographers, Tokyo Police Club, Ariel, Chromeo et Alex Nevsky, qui seront nos numéros 1? Puisque vous serez au palmarès, c'est fou! Ah, c'est fou, là, vous avez... 89 numéro 3. Et la pièce Tell Me, lancée numéro 1 du côté anglophone, c'est maintenant en troisième place. Alors, on a un nouveau numéro 1 anglo. Et du côté franco aussi, on l'a appris tout à l'heure, hein, que c'est rendu en cinquième position, Vanessa Paryetta avec Le Reflet. Donc, deux nouvelles positions numéro 1. J'ai bien hâte de savoir ce que ça va être. On va le savoir sous peu. Oui, mais avant ça, on a encore nos deuxièmes positions à entendre. Oui, du côté anglophone, c'est Tokyo Police Club avec Favorite Color qui monte de 8 positions et de l'album Champ. Ben, commençons avec quelque chose qui a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une nouvelle entrée la semaine passée en 19e place. Voici Alex Nevsky et 1000 raisons. Palmarès, c'est fou! Allez voir le nouveau clip aussi de cette pièce-là. Ah ouais? Ouais. Ah ben toi! ah ben! Du vidéo à radio. Attends, on va le montrer aux gens sur la radio. Attends. Ah, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Je pense que c'est notre système qui est pas assez bon. Ouais, mais il y a du monde qui peuvent nous écouter sur Internet. Donc, ils ont accès à Internet. Donc, allez voir le clip. D'accord, c'est noté. T'as accès, toi? OK. On va le voir. Ah, mais je vais le regarder en même temps. OK. Attention, play! Now I found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing. Dancing, dancing, dancing, dancing. Mille raisons de danser parce que je suis avec elle. Mon cerveau est débranché, mes doigts flirtent sous ses dentelles. J'irai doucement, j'irai rudement, le charme cédera au charnel. Je serai gourmand, je serai sûrement le meilleur animal qu'ait vu mademoiselle. Tokyo Police Club, c'est à la deuxième position et ça monte de 8 places. Et avant, c'était Alex Nevsky avec 1000 raisons qui monte de 17 places. Ok, tu m'as battu. Ouais, ben c'est pas mal ça, hein? De 1000 raisons. Ah! C'est pas pour eux autres, faut que tu fasses un jeu de mots. Non, je sais, mais je me pratique, tu sais. C'est un coup de pratique. À un moment donné, c'est comme tu l'envoies pas directement, faut, tu sais, directement dans le champ, l'affaire avec les sports, là. C'est l'affaire avec les sports. Tu commences avec un bâton, mettons, un bâton de baseball, tu claques une balle, mettons, claque une balle, c'est ça que tu dis? Ouais. C'est ça? Puis là, elle est emportée, mettons, vers... Non, elle s'est attirée par les cheveux ou par les poils de mouton. dont quelqu'un pourrait s'occuper, un mouton, quelqu'un qui s'occupe de mouton, c'était quoi, un berger? Shepherd? Non? Il marche pas partout. Mais oui, Shepherd, c'est un berger, là, avec les moutons et les chèvres, là. Mais le reste, là. Claquer une bague, claquer la porte, là, bon, ouais. T'as tout dit. Et Croméo, que tu m'énerves. Croméo, ça. Non? Ça va être trop facile. Ben, je sais. Mais moi, la facilité, c'est comme, mettons, tu regardes pas. Comme autant que tu n'écoutes pas les palmarès c'est fou pour les bons jeux de mots, autant que tu n'écouteras pas un film porno pour le scénario. New Pornographers. OK. Ben, j'abandonne d'abord. C'est correct, tu t'es repris. Tu vois pas si pire que ça. Je les expliquerai tantôt, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voici l'opposition numéro 1. Il n'y a plus d'explication à donner, on a déjà tout dit. Un peu, hein. Que voulez-vous, hein? On est de même. Ah, on fait pas dans la dentelle. Une autre référence de porno, dentelle. En fait, il porte pas de dentelle, il porte rien. C'est ça. Tu connais ça. Dû partir sans dire, hein, je pense que c'est proche de l'avoir. Hein. On est vraiment passé proche d'arriver directement comme faut. Attention, t'écouteras le point, OK? Parce qu'à un moment donné, il y a comme un genre un j'ai vraiment touché le micro avec ma langue, d'ailleurs. Ça va être là. Attention, attention. Ça va. J'aurais pas dû partir sans dire, hein, je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne. Celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, il fallait que je sorte. J'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Les mois ont passé, pas de nouvelles. Mais j'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé. La porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Out windows, the splash and jangle of a secret science defined. You claim some golden age is upon us. You always love short story form, the science behind it, the hidden doors. You live for flame in the attractions. Formed in Les positions numéro 1 des deux côtés, mais avant de dire nos positions numéro 1, on va faire un petit récapitulatif. Quel côté préfères-tu faire, Stéphanie, aujourd'hui? Je vais faire le franco. D'accord, vas-y. Troisième position, Ariel avec Mauve, qui monte de 6 positions. Deuxième position, 1000 raisons d'Alex Nevsky. Et première position, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, donc ça monte de 19 places. J'ai claqué la porte de Chromio. D'où les blagues sur claquer, puis porte et... En tout cas. Du côté anglophone, numéro 3, c'est Nans and Nat, l'ancien numéro 1 avec Tell Me. En deuxième, c'est Favorite Color de Tokyo Police Club, ça monte de 8. Et en première, on a entendu The New Pornographers et My Shepherd, d'où les blagues de moutons et de chèvres et de bergers. Hein. C'est dans le Mathieu. Et de pornographie. Ouais, ben ça, ouais. Faut pas l'oublier. Non, il y en a pas mal à chaque semaine, quelque part là-dedans. voilà pour les palmarès, c'est fou. Top 20 franco et top 20 anglo. On a omis, disons, de faire les autres palmarès. Donc allons-y, Stéphanie. On va commencer par le top 30 des CD. Nouvelle entrée en 30e place de Rural Alberta Vintage avec Departing. En 3e, c'est Sufjan Stevens avec The Age of Odds. En 2e, The New Pornographers avec Together. Et en 1e, c'est Nans and Nat avec Demo CD. Et pour le top 3 des 10 Canadiens, 3e position, Atomic Baobab avec leur EP. 2e position, reste stable, The New Pornographers avec Together. Et première position, aussi stable, c'est le démo de Nans and Nat. Dans le top 10 là, il y a deux nouvelles entrées. En 10e, Darkest Era avec The Last Caress of Light. Et en 3e, Lazarus AD avec Black Rivers Flow. En 2e, c'est Electric Wizard avec Black Masses. Et en 1e, c'est Stab the Ghost avec Opus Eponymous. Je te laisse faire les nouvelles entrées du top 10 électronique. Pour les nouvelles entrées, 7e position, EMA Robot avec Another Man's Treasure. 5e position, When Saints Go Machine avec Fell Forever. Et 4e position, Marco Benevento avec Between the Needles and the Nightfall. Wow! En 3e, c'est Death in Plains avec Unreleased Demo Past. En 2e, Junip avec Fields. Et on va se laisser avec une pièce qui est en première position. En fait, c'est l'album qui est en première position, comme toujours, en top 10 électronique. C'est l'album Folded de MFMB qui est au numéro 1. On va entendre la pièce The Window de cette formation suédoise. Et je vous rappelle que vous pouvez entendre le top 10 électronique dans l'émission Le Vestibule tous les samedis soirs à partir de 21h. Stéphanie va rester avec vous pour les auditeurs du jeudi avec une pêche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient très rapidement? C'est la 50e émission d'une pêche en mission. Ouh. Alors on va avoir le meilleur du meilleur du meilleur. Caroline, mais je voudrais pas te voler trop de temps, donc on va aller entendre seulement un extrait de cette pièce électronique. On n'a pas plus de temps que ça. Bonne émission, Steph. Merci. À la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, jeudi à 13h pour les palmarès C'est fou et c'était fou. Bye bye.